Exercice 10, page 113. A. Je l'explique à Lucie. Transformer. Je lui explique. B. Je l'écris à Fanny. Transformer. Je lui écris. C. Je le décris à Sophie. Transformer. Je lui décris. D. Je le prédis à Patrick. Transformer. Je lui prédis. E. Je le traduis à Marie. Transformer. Je lui traduis.